Bonjour chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre nous embarque dans une aventure hors du commun. Que dire, quoi dire? Je ne saurais. Laissons donc la place à ces visiteurs venus de la Lune enquêter sur la vie sur Terre à la rencontre des terriens. Oh, mais ma petite dame Toc, t'as vu? T'as vu? Ben oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est un chien. Ah, il marche à quatre pattes, les terriens? Il marche à quatre pattes. Non, mais celui-là, il a grand... Mais il a plein de poils. Mais c'est quoi cette histoire? Mais il a les oreilles au vent. Hein. Ah bon? Ben regarde. Et puis il bouge la queue. Ben normal, la queue peut pas bouger le chien. Ah ben non, ça c'est sûr. Ah ben dis donc, oh, qu'est-ce que t'es maligne, Toc. Moi je te dis, je suis pas aussi maligne que toi. Ah mais c'est pas mon premier séjour sur Terre, je te l'avais pas dit. Ah voilà, c'est pour ça. Tu es venu faire un tout petit repérage il y a pas longtemps. Ah bon? Ouais. Puis t'avais vu quoi déjà? Ben ça là, c'est très bizarre. Hein. J'avoue que j'ai été surprise. Là maintenant, ça y est, j'ai digéré le truc. C'est bon. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Mais moi je suis au début, tu sais, donc ça me tourne le but. Oui, vide, c'est ça, ça surprend. Quand ah, même, ça va hein. Même ça choque, hein, comme ils disent maintenant. Ah, c'est limite, hein, c'est limite. T'es la cousine de... Je sais que toi bah, non, mais j'en ai recroisé une qui fait comme ça, puis je croyais que c'était bien pour faire terrien, l'accent terrien. Ah, j'ai pas entendu que les terriens, ils parlaient comme ça. Ah ben moi, je sais pas. Oh, bah, ceux que t'as interviewé, ils parlaient comment? Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. Mais ça dépasse. Eh ben voilà. Eh, merci Marie. Je vais te dire. Merci toi. A été dit. Bon, on y va. En fait, nous on vient de la Lune, hein. Moi c'est Tac. Il y a Tic, mais Tic, il a été voir des potes, alors il n'est pas là. Il mange ses noisettes. C'est ça. Et puis en fait, on interview des terriens. Parce qu'on se posait des questions à distance. Salut ma petite dame. On se posait des questions à distance sur cette Terre. Qu'est-ce qui se passait? Alors, il y a trois petites questions, c'est vite fait. Hein. Vous êtes d'accord, monsieur? Oh, ben, pas de problème, mais t'es en plein surréalisme à la André Breton, là, ou t'es... Pas loin. Ouais, bah voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on va juste vous demander déjà dans quelle tranche d'âge? 15-25, 25-40, 40-60? 40-60, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais. Bon, on va rester à 40-60, d'accord, ok. Et puis, dans quel secteur? Juste professionnel? Tertiaire. Tertiaire. Bah voilà, tertiaire. Je sais pas ce qu'il raconte, c'était rien, mais c'est un truc comme ça. Bon, alors, si la première question que j'aurais à vous poser, mon petit monsieur, c'est si on pouvait comparer votre vie à un rythme de musique, quel genre choisiriez-vous? Du baroque. Du baroque. Ah, on ne nous l'a pas encore fait, celle-là, tiens. Il faut toujours être singulier, hein, mais... Ça donne quoi, le baroque, en style? Ça fait quoi? Ça fait des changements de rythme. Attends, comme ça? Ouais, pas trop, non. Mais vraiment du changement de rythme, puis vraiment quelque chose qui me correspond pas mal. Qui correspond pas mal, très bien. Alors maintenant, s'il y avait une autre question, si par exemple, il y avait des contraventions quand on speed trop, combien en auriez-vous eu la dernière semaine? Un paquet, ma petite dame, un paquet. Il faut quantifier? Ah ben non, on voit qu'il y a des terriens, ils auront bientôt plus de permis pour vivre, et leurs 12 points, ils sont morts, quoi. Ah oui, là, je crois que je fais partie de ceux-là. Bon, bah, alors tant pis, bon, bah, ouais, c'est pas grave. Et puis, dernière question, parce qu'on est curieux, si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, combien vous en achèteriez? Pour bosser, pour... Pour vivre. Combien j'achèterais d'heures supplémentaires par jour pour vivre? Pour en faire quoi? Faire ce qu'on veut? Oui, c'est juste, est-ce que vous auriez envie d'heures supplémentaires? Sur une journée? Oui. Oh, une heure, ce serait pas mal. Oh, mais il est modeste, ce monsieur, au moins là. Mais tout ce qui est de plus modeste. Oh, bah écoutez, monsieur, moi je vais vous dire merci infiniment. Hein. Merci à vous, madame. Vous êtes martienne? Vous êtes Célène? Non, Lulu, la lune. Ah, donc Célénite. Sélénite. Peut-être bien. Enfin bref, c'est ce que vous voulez. Mais en fait, on s'était dit depuis la Lune que ça bougeait beaucoup. Ouais. Puis on s'est dit, on va quand même aller voir de près. Et donc? Et donc, il y a tout. Ah ouais? Ah ouais. C'est un bon pot-au-feu. Il y a tout, des légumes, de la viande, des oignons, des machins, des trucs, il y a tout ce qu'on veut. C'est bon. Puis ils sont rigolos, c'était rien quand même. Mmh. Puis ils courent. Mmh. Puis il y en a, ils courent pas. Mmh. Puis ça dépend. Mmh. Puis ça rentre pas dans les cases. Donc voilà, je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Merci madame la lunienne. Voilà, et merci infiniment. Voilà. Merci madame. Well, c'est la une spéciale dédicace à tous les M6CK. Un MC sur la place, on l'appelle par le nom de Poupa Leslie. Ouais, je demande beaucoup de respect pour tout ce de mon passé. Car mon passé est là, distingue. Je suis prédominant. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, prédominant. Non, mais non, mais non, hey, prédominant. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, prédominant. Non, mais non, mais ça s'appelle Poupa et petit, Poupa et mauvais, Poupa et ragamuffine. Toast au microphone, Poupa et sauvage et méchant. Si Poupa et petit, Poupa et mauvais, Poupa et ragamuffine. Petit de taille, mais grand d'esprit, tout naturellement. Tout le monde sait que ce MC est un jeune qui va de l'avant. Avec un micro de loin, il vient dans la danse en toastant. Maître de cérémonie, je vous dis, écoutez, brave gens, ne venez pas mettre de bâton dans les roues quand je fais mes plans. Je suis ragamuffine, Rambo, rebelle et militant. Certains aiment sa critique et ne peuvent pas en faire autant. Et quand on parle d'unité, y'a jamais eu que du vent. Parce que tout le monde veut être premier, tout le monde veut être devant. Moi, je suis assis à ma place et je suis là pour longtemps. Mon nom, c'est Poupa, laisse je ne perds pas mon temps. Je suis prédominant. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, prédominant. Non, mais non, mais non, hey, prédominant. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, prédominant. Non, mais non, mais je suis né pour être un raga MC. Oui, je suis là pour animer la partie. Oui, je suis né pour être un raga MC. Oui, je suis là pour animer la partie. Pourquoi on me demande pourquoi je suis aussi mauvais? Tout ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas m'en empêcher. Car sur mon grand de velours, il y a une main d'acier. Dans mes poches, pas de coupe, l'amour est dans mon corps. Alors, ne venez pas me chercher. Ne venez pas me tester. Vous risquez de me trouver et aussi de regretter. Car je suis un champion dans ma catégorie. Certains m'appellent Poupa, d'autres m'appellent Leslie. J'anime les danses et j'anime les parties. Si tu aimes tant mieux et si tu veux pas copier. Mais si t'aimes pas mon style, j'en prends pas une maladie. Je suis sur la scène et puis je vois mon possible. Je connais mes amis et je connais mes ennemis. Ça me rassure mais c'est plus j'y pense. Et puis moi j'oublie que je suis prédominant. Non mais non mais non mais non mais non prédominant. Non mais non mais non, hey, prédominant. Non mais non mais non mais non mais non prédominant. Non mais non mais non mais ça s'appelle Poupa et petit, Poupa et mauvais, Poupa et ragamuffine. Toast au microphone, Poupa et sauvage et méchant. Si Poupa et petit, Poupa et mauvais, Poupa et ragamuffine. Poupa et petit de taille mais je te dis que Poupa voit grand. Parce que certains sont menteurs, certains sont voleurs, d'autres sont arnaqueurs. Certains se prennent pour des prophètes, nos sont des enfants. Je dis que certains se prennent pour des pros, nos sont des amateurs. Ne venez pas mettre de bâton dans les roues quand je fais mes plans. Je suis prédominant. Non mais non mais non mais non mais non prédominant. Non mais non mais non, hey, prédominant. Non mais non mais non mais non mais non prédominant. Non mais non mais non, hey, prédominant. Non mais non mais non mais non mais non prédominant. Non mais non mais non, hey, prédominant. Non mais non mais non mais non mais non prédominant. Non mais non mais non, hey. Voilà, Tic, encore une autre terrienne qui est là. Alors, on va lui poser notre question. C'est quoi la première question, ma petite dame, alors? Ah ben, c'est pas moi que j'ai posé les questions. D'abord, je peux répondre. Dans quel secteur vous êtes, dans quel domaine? Retraité? Alors, ou... je suis dans les domaines de retraité bénévole, faiseur des ateliers. Mmh. De toutes sortes. D'accord. Dans une école. Non, attendez. Mmh. Non, non. Les faiseurs des ateliers, c'est que pour moi. D'accord. Et puis, bénévole dans une école, c'est autre chose. D'accord. Voilà. Bien. Oh. Et donc, dans c'est la pour ça qu'on a mangé du gâteau aujourd'hui. Ah, d'accord. Tic. Ça a du bon, hein, les ateliers, tout ça, là. Hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Alors, là, voilà. Donc, après ça, dans la tranche d'âge, 60 et plus. Oui, plus ou moins, oui. Bon, ouais. Retraité, voilà. La vie est belle. Ouais. Parce qu'en fait, nous sommes deux personnages qui venons de la Lune, Tic. Oui. Et Tac. Voilà. Et la Lune. Ah, voilà. Et nous sommes venus sur Terre interroger les terriens. D'accord, c'est pour ça que je ne comprenais pas les mots terriens. Voilà, voilà. Depuis en je haut... Je sais que je suis une terrienne, parfois pas, mais... Voilà. Oui. Et depuis en haut, on trouvait que ça bougeait beaucoup, donc on voulait aller voir de près. Parce qu'on est curieux quand même. D'accord. Cette petite bestiole. Et votre voiture, elle est où? Ah, ben ça, c'est pas le problème. Elle est garée, elle est bonne. Elle est nous, on n'a pas vraiment de bagnole. On va dire qu'on se débrouille un peu par la téléportation. Ah, c'est voilà. Bien. Donc la première question est antique, je vais la poser. Ouais. Voilà. Si vous pouviez comparer votre rythme de vie à un genre de musique, quel genre de musique ce serait? Ah, mais c'est... j'avais déjà répondu à cette question. Ben justement, vas-y, allez-y. Ouais, allez-y. Donc, une sorte de musique brasilienne. Clac, clac, clac, clac, clac, clac. Oh, caliente, c'est caliente, très chaud. Caliente, caliente. C'est joli, ça. Ça, c'est très beau. Oh, mais c'est plein de sourires, plein d'amour, plein de cœur, tout ça. Ah, j'ai plein d'images dans la tête, là. Ah, ben moi aussi, hein. Wow. Trop voilà. Top. Magnifique. Voilà, alors la deuxième question, Tic. Oui. Alors, si tu avais la possibilité d'être contraventionné parce que tu speedes trop, dans la semaine là qui vient de se dérouler, combien de fois tu aurais pu être pénalisé? Ah non, je pense pas. Cette semaine, ça a été malgré tout un peu tranquille. Donc non, je crois pas que j'aurais eu des amendes cette semaine. Oh. Pour faire vite. Pepper. Oh, peut-être le week-end, oui. Peut-être dans le week-end, parce que j'ai fait plus de choses. Mmh. Ah oui, non, c'est mardi. Mardi quand même, si. Mmh. Si, mardi, c'était le jour, ouais. Parce que j'étais à l'école, je suis allée au yoga et je suis allée à la danse. Et puis... Oh. Et voilà, j'aurais un peu tout dansé ça. Un peu plus. Une petite contredanse. Bah, voilà. Ça après, va. Danse, on est ça fini va. À minuit. Une petite contravention par semaine. Ouais, ça va. Si, ça va. Rythme c'est... de croisière. Aujourd'hui, ça va aussi. Ben ouais. Voilà, c'était l'école. C'était un anniversaire. Deux anniversaires. Un goûter. Et puis, les théâtres d'impro. Et puis, bon, je pense que ça finira déjà comme ça. Ça me paraît bien. Alors, la dernière petite question. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires dans la journée, combien six. En achèteriez-vous par jour? Six. Six? Oh, oh. Précis. Gourmande, la petite dame. Ah ben, six. Six? Six. Est-ce qu'il y a une préférence, un chiffre porte-bonheur peut-être ou Non, bon, c'est plutôt les 7, le porte-bonheur. Mais non, 7, je trouve que serait peut-être trop. Si ça me suffirait. Pourquoi je crois que ça me suffirait. Oh, pour avoir plus les temps pour peindre, pour faire plus de théâtre, pour me reposer de temps en temps aussi. Hein? Parce qu'il y a des fois qu'on doit se reposer. Et puis, pour continuer à faire d'autres choses, évidemment. Donc... prendre une pause pour continuer à faire d'autres choses. Ouh là là. Ah ben oui, évidemment. Ils sont spéciaux, ces terriens, mais quand même. Mais ces terriens, on dirait qu'ils sont amoureux de la vie, quand même. Ah, là. J'ai l'impression. Je suis tout à fait d'accord. Je crois. Avec toi, Tic. Ah oui. Ouais. Attaque. Là, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Plein dans le mille. Plein dans le mille. Ouais. Plein dans le mille. Tic-tac, toc. Parce que, bon, il y a des fois que je dois prendre le train et le train, il est tellement lent que j'aurais besoin de récupérer, par exemple, les 3 heures que j'ai passées dans le train. Ça me suffirait. Si j'ai 6 heures de plus, ça ira. Les 3, je les remets pour le train, puis après, c'est bon. Voilà. Donc là, je crois qu'on va vous remercier infiniment. Merci beaucoup à vous. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de journée, ma petite dame. Merci, merci, et madame. Monsieur, non, madame. Non, c'est Tic et Tac. Tic et Tac. Tic et Tac. Ok, merci. Tic et Tac. Bonne soirée. Bonne soirée. Aprendimos a quererte. son del sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Bonjour mesdames. Je suis enchantée. Oui. Tic tac. Tic tac. Toc. Ah oh. Oh. Tiens, mais c'est la première fois ça. Ah dis. Ça c'est fou. Ça y est, moi je me sens un peu plus à la maison d'un coup là. Hein? Ah, voilà. Parce qu'en fait, on est venu de la lune ce matin. D'accord. On vient explorer un petit peu le monde terrestre. Ah, voilà. Voilà. Oui. Oui, voilà, c'est cela. Voilà. Oui. Et puis alors, on voulait déjà savoir dans quel secteur vous êtes, mais je ne sais pas, retraité ou voilà. Retraité. Voilà, voilà, bon, très bien. Voilà. La vie est belle. Donc, tranche d'âge, 60 et plus. Oui. Bon, voilà, ouais, bon, ça, c'est vie ça. Vie et peinard. Ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est un programme... Ça, on ne veut pas savoir. Non, non, je ne dirais pas. Moi, c'est mon projet professionnel, personnellement. Oui, hein, moi aussi. Moi, ça me paraît très bien, voilà. Ah oui. Donc, on va se pousser un petit peu au cas où le monsieur veuille passer. Voilà. Alors, la première question, elle serait si vous pouviez comparer votre rythme de vie avec un genre de musique, vous diriez quel style de musique? Moi, ce serait plutôt rock. Mais... Ah. Oh. On dirait ouais. Pas comme ça. Non, ah. Moi, non. Je... Moi, ce serait plutôt slow tango. Oh. Maintenant. Plus langoureux, plus chaleureux. Oh, bah, plus calme. Plus calme. Plus calme. Ah oui. Parce que madame, vous, le rock, c'est un peu plus péchu. Oui, oui, oui, je bouge pas mal. Voilà. Il y a encore pas mal de, ah, oui, de projets. Oui, oui, oui. De voyages, de... Voilà. Oh là là. Oui. Intéressant. Oh. Bon, ben, zum Beispiel. For example. Per exemple, alors, on va passer à la deuxième question. Voilà. Alors, dans la semaine passée, si vous avez eu... la possibilité d'être contraventionné parce que vous avez trop speedé. Combien de contraventions en tout vous auriez eu en une semaine, là? Ah. Oh, aucune. Oh, oh speed. Bravo. Oh. Ah, bravo. Vous pouvez être très fier de vous. Bravo, non. Et... Ah, un petit... Ouais, non, peut-être une. Une quand même. Ah, une quand même. Une quand même. Ouais, une quand même. Ouais, mais juste pour le fun, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que, voilà. Madame a 12 points, mais vous avez juste 10 points, quoi. Oui, oui voilà. Ça va. Pour le fun, quoi. Ouais, ouais, juste, ouais. Ça va. Ouais, ça... On a affaire à des êtres humains très raisonnables, oui. Finalement. Oui. C'est agréable. De loin, depuis la Lune, on trouvait que ça bougeait plus que ça. On est étonné en s'approchant de près de voir que c'est quand même plus calme que prévu. Et oui. Et oui. Eh oui, tout Est-ce à fait. Qu'on fait la dernière question. Eh bien, la dernière question. Alors, vas-y. Alors, je ne m'en rappelle plus. Eh bien, dans une journée, si vous vouliez des heures supplémentaires, combien en achèteriez-vous par jour? Ah. Deux, moi, je pense. Deux? Deux de plus. Oh, ouais. C'est comme la, une contravention. C'est... Oui, oui, modérément. Pépère. Parce que je me calme. Voilà. Oh, moi, j'ai pas besoin de plus d'heures. Oh, bah, ça. C'est suffisant. C'est suffisant. Oui, à mon âge, c'est suffisant. Bah, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est splendide. Ah, c'est super. Ouais. Mais alors, les deux heures, ça serait pour quoi faire de plus? Pour lire, pour prendre plus de temps pour moi. Voilà. Mmh. Voilà. Pour apprécier un peu plus. Il faut dire que tu fais beaucoup de choses. Donc, oui, la journée n'est pas toujours mais oui, assez pas, longue. Pas suffisante. Ouais. Mmh. Mais parce que je me lève tard aussi. Les deux heures, ce serait peut-être pour me lever deux heures mais non, plus tard. Non, il faut deux heures. Bah oui. Voilà, pour récupérer. Mais c'est tout beau, ça. Ça a l'air très, très agréable. Très intéressant. Mmh. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Bonjour, bonne journée. Merci à vous aussi. Il pomme le dos, il pomme le dos. s'arrange, pas comme je le croyais. Tic. Et je vous présente Tac. Et je vous présente Toc. Tic, tac, toc. Voilà. Donc, on voulait déjà savoir dans quel secteur vous êtes professionnel. Au secteur alimentaire. Voilà. Tiens, tiens. Oh. Voilà un monsieur qui va à l'essentiel, finalement. Voilà. Ah, intéressant. Bon, la tranche d'âge... 70. Ouais, 60 et plus. Voilà quoi. Ouais, on fait des tranches, nous. Voilà, 60 voilà. Et plus. 60 et plus. On fait pas de morceaux. Ah oui. Hein? Ah oui. Tic. Oui, je vois. T'es d'accord? Moi, je suis d'accord. Donc, nous sommes arrivés ce matin sur la Terre parce que nous étions sur la Lune. Et on était curieux de rencontrer les humains un peu plus près, voyez-vous. Voilà. Et donc, la première question étant, Tic, je te laisse dire. Première question. Si vous devriez comparer votre rythme de vie avec un genre musical, lequel choisiriez-vous ? La guitare. Ah, la guitare ! Mais le genre musical... Genre une balade, genre... Oui, plus une balade, oui. Une balade. Une balade. Quelque chose de bucolique, de tranquille. Vous êtes plutôt à l'aise en ce moment dans votre rythme, c'est peinard, quoi. Peinard. Voilà. Ouais. Peinard. Tranquille, peinard. Tranquille, mimille, quoi. Ouais. Bon. Ouais. Tac-a-dac-a-dac-a-dac. Tac-a-tac-a-tac. Tac-a-tac, oui. Ouais. Ouais. Bon. Bien. Alors, deuxième question. Deuxième question. Si il existait des contraventions quand on speed trop, combien en auriez-vous eu cette semaine ? Depuis vendredi dernier. Quand on speed de trop. Oui. Oh, il y a plein. Oh. Non. Si. Bah combien par jour alors, dans la semaine? 4 à 5 par jour. Oh là là là là. 5 non, fois 7, 35, 35. Là, ça fait beaucoup là. Parce que moi, je suis assez... Ah. Oh. C'est la balade, mais la balade en diablé quoi, quand même. Ah oui. Ah d'accord. Ah, intéressant. Oui, ben, oui, parce que dans son permis de vivre, le nombre de points... Là, ça pique, là. Oh, ça casse. Bon, et si... Troisième question, Tic. Non, mais Tic. Bon. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires dans votre journée, combien en achèteriez-vous? Une dizaine. Wow. Oh là là là là. Toc, t'as rien dit, toi. Ah bah, c'est... C'est quelque chose. C'est quelque chose, ma foi, oui. Oh bah, ma petite dame. J'ai plein de choses à faire. Ah. Oh, comme ça? Mais oui. Mais quoi, alors? Ben, peut-être une deuxième activité. J'aime les chevaux. On revient à la balade, tac, tac, tac, ah, tac. Ah, c'était ça la balade. Ah, voilà les chevaux, d'accord. 10 heures par jour. Mais encore un terrien amoureux de la vie, j'ai l'impression. Oui, oui. Ah, voilà. Ah, c'est ça. L'essentiel. L'essentiel. Voilà. Bon. Bon. J'ai pas assez vécu, donc je veux vivre encore. Ah, on va finir par comprendre. Ma petite dame. Qu'est-ce que vous n'avez pas assez vécu ? Comment ? Qu'est-ce que vous n'avez pas assez vécu ? Assez vécu. Découvrir le monde. Déjà là, le restant de la France, parce que je ne connais pas toute la France. Puis après, le monde. Et puis les gens qui y vivent. Mmh, un terrien qui veut aller voir d'autres terriens. Il est curieux, le monsieur. Un curieux, un terrien curieux. Ça, c'est quelque chose. Oh. Eh bien, nous vous remercions. Infiniment. Merci. Bonne journée. Merci. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire. Il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ben voilà, il n'y a que Tac qui sera là aujourd'hui parce que Tic, il est resté dans le vaisseau. Quel est ce bruit bizarre? Quelqu'un qui attend? Je vais juste enlever la dame. Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Donc voilà. Donc, comme Tic est resté dans le vaisseau et qu'on a atterri sur cette terre il n'y a pas longtemps, on examine les terriens pour voir à quoi ressemblent-ils et qu'est-ce que c'était que toute cette animation depuis la Lune. Nous voyons bouger dans tous les sens. Alors voilà. Oh, deux petites dames là. On va leur demander. Alors, d'abord, dans quel secteur professionnel êtes-vous ? Le médical. Le médical. Et dans quelle tranche d'âge ? Alors, je commence 15-25, 25-40. Voilà. 25-40. Bon, ben, on prendra ça. Alors voilà, on va déjà commencer par vous. Si je vous posais une question existentielle, évidemment, pour un terrien, si vous pouviez comparer votre rythme de vie à un genre musical, lequel serait-il ? Le rythme de vie global, hein ? Oui, oui, oui. Je dirais musique moderne, pop rock, voire des fois rock. Des fois hard rock. Hard rock, ouais. Aussi. Oh là là, mais c'est terrien, mais c'est pas possible. Mais j'y crois pas, mais ici, mais c'est terrifiant. Alors, deuxième question, parce qu'il y a une deuxième question. Si on pouvait vous donner des contraventions quand vous speedez trop, combien en auriez-vous eu depuis une semaine ? Depuis une semaine, je dirais 5. Oh là là, mais c'était rien, mais s'en fout. 5 contraventions. Mais bientôt, vous n'aurez plus de points à votre permis de vivre. Ça va être râpé, cette histoire. Mais c'est terrifiant. Bon, alors, on va attaquer la troisième question, mais j'ai peur à l'avance de la réponse. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, combien en achèteriez-vous ? Je dirais 4 heures. 4 heures ? Oh, terrifiant. Mais 4 heures par jour pour faire quoi ? M'occuper des enfants, de moi, de la maison. Ah, d'accord. Mais vous n'avez pas abandonné vos enfants quand même ? Non, je ne vais pas les abandonner. Ah bon ? Les 4 heures de plus ? Oui. Oui. Si, 4 heures, c'est bien. Ouais. C'est pas assez. Oui. Oui. Ben, on va démarrer avec la petite dame, même si on doit être interrompu. Il y a une autre petite dame qui arrive. Elle a l'air terrible. Elle a l'air terrienne aussi, très terrienne. Alors, dans quel secteur vous évoluez ? Dans le secteur médical. Voilà, bon, encore une autre. Ben voilà, il y en a deux d'un coup. Oh là là, ils soignent ces terriens. Il faut attention. Dans quelle tranche d'âge ? 15, 25, 25, 40, 40, 60 ? 25, 35 plutôt. Oui, mais on ne fait pas de tranche, nous. Alors, ma petite dame, la première question qu'on va vous poser. Si vous pouviez comparer votre rythme de vie avec un genre musical, ce serait lequel ? La funk. Carrément ? Ouais. Oh, mais c'était rien. Mais j'y crois pas. C'est comment le rythme de la funk ? Je sais pas, je suis nulle en musique, là, si je vous le fais... Ben un peu, allez, juste pour rigoler. Comment c'est ? Tant. C'est ça ? Non, c'est plus cool la funk. C'est un peu joie de vivre. Tant, comme ça. Ça, c'est une musique des striptease, ça. Ah, d'accord. Bon, ben, on va passer à la deuxième question parce que cette terrienne a l'air d'être particulièrement étrange. Alors, si on pouvait mettre des contraventions quand vous speedez trop, combien vous en auriez eu cette dernière semaine ? Une dizaine. Ouais. Wow ! 10 ! Ouais. Plus d'une par jour ? Oui. Ah, parce que votre collègue, elle en avait 4. Elle avait encore des permis, des points sur son permis de vie, mais vous allez bientôt plus en avoir non plus. Et alors ? Pour quelle raison vous speedez comme ça ? Parce qu'on court toujours après la vie. La vie est tellement courte qu'il faut courir après. Ah ouais, c'est un concept que je n'avais pas imaginé. Nous, sur la Lune, on est un peu en dehors de ce concept. Oui. Alors maintenant, je vous poserai la troisième question. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, vous en achèteriez combien ? Une dizaine aussi. Mais pour quoi ? Pour vivre. Pourquoi vous ne vivez pas maintenant ? Ben non, je travaille. Parce que quand on travaille sur Terre, on ne vit pas. C'est pas la même chose. Je parle de vivre, se retrouver avec soi-même, profiter de tout, de la nature, des gens, de tout. Ce qui veut dire que quand vous travaillez, vous ne profitez pas de la nature, vous ne profitez pas de vous-même, vous ne faites pas tout ça. J'ai pas le temps, je ne peux pas me poser ces questions-là. Mais c'est quoi alors le travail ? Le travail, c'est un gagne-pain. Ah bon ? On gagne du pain ? Ouais. Non. Si. Du pain ? Du pain complet plutôt, hein, parce que complet. Le pain blanc, ce n'est pas très bon pour la santé. Avec des petites graines ? Ouais. Ah d'accord. Ah, puis suivant comme on court comme ça, on gagne un sac de pain plus ou moins gros ? Voilà, c'est ça. Ah, puis vous faites quoi avec votre pain ? Ben je le mange, après je déguste. Ah, ben va falloir qu'on se documente sur la Terre, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Bon, ben voilà, ben on vous remercie infiniment, merci. Mesdames. Voilà. Moi, dans la vie, j'aime les situations claires. Sans lendemain, avec une fille très... alimentaire. Elle touchait ainsi une pension alimentaire. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas drôle chez les terriens. Bah, tac. Je découvre des trucs des fois bizarres chez les terriens. Ils sont pas drôles, hein. Des fois, c'est pas très marrant. Bon, non, alors. Ils vivent bizarre. Oui, c'est bizarre. Des fois, c'est un peu rude. C'est rude, tu dis? Ouais. C'est râpeux. Ça râpe, ça crie, ça... Ils sont pas à l'écoute, hein. Il y en a, on dirait, ils ont pas d'oreilles. Ouf. Ça fait tout drôle. Oh. Ouais. Bon, alors, écoute. Ah. Mais c'est joli, la Terre. Moi, je viens de la Lune, en fait. Hein, mon petit monsieur. Mais vous habitez un joli coin. Merci. Hein, il y a de l'eau qui coule, comme ça. Ouais. Oh, c'est sympa. Beau, hein. Oh, c'est beau, la Terre. Bien. De loin, on voit pas bien. Non. C'est pour ça qu'on a pris un vaisseau, puis on est venu. À interroger les terriens, parce qu'on voyait plein de petites fourmis qui couraient dans tous les sens. On ne comprenait pas pourquoi. D'accord. Alors voilà, alors bon, on va vous poser une première petite question. Dans quelle tranche d'âge vous êtes? 15-25, 25-40, 40-60 40-60. Ah bon, il y a pas mal qu'on stage là quand même de terriens. On en voit des fois des plus jeunes, mais pas toujours. Hein. Voilà, alors la deuxième question, dans quel secteur vous êtes professionnel global, hein? L'artisanat. Artisanat, bon. Mais ils sont ingénieux, ces petits terriens. Ils ont plein de métiers rigolos. Alors, on va vous poser une première question. Si vous pouviez comparer votre rythme de vie avec un genre de musique, ce serait lequel? Le rock alternatif. Un coup ça monte, un coup ça descend. Ça alterne, quoi. Vous pourriez me faire une petite démo, là? Comme ça. De quoi? Ben, moi, perso... Ouais, ça fait quoi comme genre de musique? Parce que vous savez, moi, de la Lune... Ça fait... Ça alterne. D'accord. Ouais. Eh ben, c'est terrien. Ils sont surprenants, ces terriens. Pas... Eh ben là, je suis scotchée. Parce qu'elle est comment, en fait, votre vie? Elle est alternée? Elle est alternative. Elle est alternative, d'accord. Vous entendez quoi par alternative? Elle n'est pas dans la norme. Ah, c'est quoi la norme? c'est trop de choses. C'est pas intéressant, la norme. Ah, d'accord. Non, mais vous savez, quand on vient de la Lune, on n'est pas au courant de grand-chose. Hein. Puis si on pouvait vous mettre des contraventions, si vous speedez trop, vous en auriez eu combien la semaine dernière? La semaine qui vient de s'écouler. Allez, deux, trois. Donc, trois par semaine, ça va. Ouais. Ça va. Avant, c'était plus. Ah. Ah, donc il y a eu du progrès. Oui. Ah. Du travail. Ah. Beaucoup de travail. Ouais. Vous travaillez à ralentir, alors, votre rythme de vie? Ralentir pour vivre. Ah bon? Oh, il est ingénieux, ce garçon. Oh, alors là, c'est lundi. Maintenant, la dernière question. Si vous pouviez ajouter des heures supplémentaires dans votre journée, vous en ajouteriez combien? Aucune. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Parce que l'autre petite dame que j'ai eue avant, uh-huh, elle en voulait 48 par jour. Oh là là, la pauvre, elle est folle. 24 de plus que la normale. Ah non, ça doit être déjà fatigué de nos journées, alors on imagine. Ouais, mais enfin, voilà, donc vous, votre journée, elle vous va? Ah oui, ça suffit. Hein. Oui, c'est bien suffisant. Et puis ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine. Mais quelle belle philosophie! Mais un terrien, mais on rencontre des terriens, vous savez, très intéressants. Ah, merci. Mais on a des terriens de temps en temps un petit peu bizarres. Ouais. Ouais. Et il en faut, hein. Ah, ouais, c'est comme chez vous, peut-être aussi, il y en a des... Chez nous, non, c'est tout des tic-tac, toc, tuc, pouc. C'est tout des... Non, on est tous un peu réguliers. Ok. Ouais, on est un peu... Dans la norme, quoi. Non, on sait même pas ce que ça veut dire. Donc, je sais pas, on est tic-tac, toc, tuc. Ok. Voilà. Intéressant. Oui. Vous m'emmenez, j'aille voir un petit peu chez vous. Oh bah écoutez, la prochaine fois qu'on fait une téléportation, on vous préviendra et on vous emmène avec. Avec plaisir. D'accord. On a interrogé votre petit compagnon, là, oui. Il parle pas beaucoup. Ah, il parle sa langue, alors pas facile à comprendre. Et quelle langue il parle, alors, la lui? La langue des chiens. Ah, c'est un chien. Ouais, c'est un chien. Ah, parce un animal domestique. Ah, parce qu'on était avec Toc et puis on trouvait bizarre, il bougeait la queue, il bougeait les oreilles, il bougeait tout, puis on se demandait ce que c'était un terrien avec des poils comme ça. C'est pas le même mode de communication que nous les humains, ouais. Ah. On n'est pas encore assez élevé pour les comprendre. Ah. On a encore beaucoup de travail. D'accord. Bon ben on vous remercie infiniment, mon petit monsieur, et puis, et puis bonne vie sur la Terre. Hein. Bah, puis bonne balade sur la Terre. Oui, bah c'est gentil, merci. Partez quand? Oh bon, on sait quand on est arrivé, on ne sait pas quand on repart. Ah oui. Non. C'est bien ça? Oui. L'imprévu. Ouais. Ok. Voilà, c'est cela. Jusqu'aux dents, et puis elle les rentre chez elle dans son piège.

de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Oh, le birchak, oh oui. Ah oui, et puis ça fond, et puis ça fait scrunch. Oh, mon Dieu. Et ça fait scrunch. Ah bon. Et puis après, ça fait scrunch. Oh, mais c'était rien, qu'est-ce qu'il mange comme truc. Oh, oui. Oh, mais dis donc, Tic, t'aurais pas oublié ta brosse ce matin. Je me suis brossé les cheveux avec un pétard. Ouh, ça fait spouch. Ah, mais moi, là, t'es bien, mais oh, t'as oublié ta plume. Oh, vous entendez Tic qui boit, là, il boit quoi, Tic? Je bois du kéfir. Oh. C'est une boisson terrienne fermentée. Ouh là là là là. Moi, je vous dis que ça. Tic tac toc, qu'est-ce que vous en pensez? On se rentre maintenant? Oh ouais, parce qu'il commence à faire froid un petit peu. Vous avez trouvé des trucs bons à manger? Allez, allez, on y va dans le vaisseau, on va se réfugier là-bas. Bon. On va rester dans le vaisseau pour la nuit et on reviendra interroger ces terriens plus tard. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, on va se reposer. À très bientôt, chères auditrices et auditeurs. Merci à Auriel, notre pianiste belge, pour son jingle.